Yeah, welcome to the future world. Yeah, come on, future world. Come on, come on, future world. Respect me more, respect more, flow is sweet tempo. Come on. Mon blast, respecte mes phrases. Come on, come on, funky world. Sous mes lunettes très bonnes, je mate les minettes trop bonnes. C'est de la bombe, c'est de la balle. J'excite les phéromones. C'est funky world. Come on, come on, funky world. Respecte mes mots, respecte mon flow et suis le tempo. Come on. Respecte mon style et reste tranquille. Come on, come on, funky world. Je suis pas là pour trouver l'amour. En mode célibat, je veux niquer du lourd. Au minimum 3 meufs par jour. Alors je crie en masse, en boîte je me place au middle of the beast. C'est l'été, fais péter le bon son des refrains. Full box on fait kiffer. Sous le bastion va crier. C'est l'été, c'est l'été. Hey hey hey, funky world. Mes phrases. Come on, come on, funky world. Respecte ma ville, respecte mon style et reste tranquille. Come on, come on, funky world. Funky world. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'est funky, funky world. C'est comment.